sont ces instances dirigeantes de cette invitation. Effectivement, en guise presque de mise en bouche plutôt qu'autre chose, on propose un parcours historique rapide dans l'histoire de la construction des archives contemporaines. Donc j'avais intitulé cette brève prise de parole « Archives et histoire contemporaine, une conquête longue et fragile ». Oui, puisqu'en effet, la notion d'archives contemporaines, après tout, n'est pas une notion tellement bien établie. Elle reste, comme beaucoup de choses, et puis on a la chance d'être au cœur de la fabrique de l'histoire contemporaine ici, autant tenter un miroir. Cette notion d'archives contemporaines émerge tardivement et émerge difficilement par rapport à la notion d'archives historiques, que les archivistes ensuite traduisent en archives définitives. Bon, on pourrait comme ça réfléchir pendant de nombreuses heures. Au fond, les archives contemporaines ne sont pas vraiment définies, sinon qu'elles partent finalement leur intérêt, semble-t-il, pour l'histoire contemporaine. En fait, elles ont été définies pour la première fois véritablement aux archives nationales, je vais surtout parler du cas des archives nationales, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ça ne vous étonnera pas, comme l'histoire contemporaine elle-même en grande partie, même si depuis le 19e siècle, on peut voir régulièrement poindre et l'expression et le désir d'histoire contemporaine. La sous-section contemporaine a été créée en 1947 aux archives nationales, avec Jacqueline Maddy notamment, puis Pierre César, dans un cadre très précis qui est le traitement douloureux, délicat et parcimonieux et lacunaire des vestiges des gouvernements de l'État de Vichy, de l'État français de Vichy, finalement pour une mission très spécifique qui consistait à prendre en charge ces vestiges. Je dis vestiges puisque la plupart des ministères, et c'est à l'image de ce qui se passe régulièrement dans les changements de régime, avaient récupéré déjà la plupart des archives datant de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui fait qu'en fait, bien entendu, ce n'est pas en 1947 que se sont constitués les fonds de la Seconde Guerre mondiale, mais ça s'est étalé tout au long du long XXe siècle, puisqu'encore, vous le savez, dans certains ministères, il y en a maintenant de moins en moins, mais on trouve encore des bribes d'archives datant de la période 40-45. C'est évidemment important, puisque cette brèche, ce traumatisme dans l'histoire contemporaine de la France a fait émerger tout un certain nombre de réflexions autour de l'histoire et de la mémoire. Cette sous-section a été créée aussi en adjonction avec plusieurs instituts ou comités, le comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, rattaché aux archives nationales. Bon, chacun sait ici qu'il est la lointaine archéologie de l'IHTP, et surtout aussi peut-être un institut moins connu, l'Institut français d'histoire sociale, qui a pourtant eu une importance décisive dans l'histoire sociale contemporaine, puisque après, créé par Georges Bourgeoin notamment à l'époque, archiviste honoraire des archives nationales, Édouard d'Oléans, avec un secrétaire général dont le nom est devenu très connu depuis lors, Jean Mécon, qui ensuite a fait 6 sécessions, mais je ne vais pas rentrer dans l'histoire perturbée de cet institut, puisqu'il existe toujours, il est présidé aujourd'hui par Jean-Pierre Chaline, n'est-ce pas, mais il possède des fonds privés très importants sur l'histoire du mouvement social, et vous savez sans doute que du schisme interne lié à posteriori à la mort de Bourgeoin, du reste, après 58, sont nés et le mouvement social, comme vous l'avez vu, et bien sûr les différents centres qui auront abouti au centre actuel d'histoire sociale de Paris, en passant par le centre d'histoire du syndicalisme. Bref, donc il y a quand même des liens, disons, forts dans la centralisation historiographique française avec cette institution étrange et dont je vais essayer très, très brièvement de dire quelques mots dans son rapport aux archives contemporaines. Et ce, depuis, en effet, la Révolution française. Est-ce un caractère tardif, d'ailleurs, cette émergence au moment de la Seconde Guerre mondiale? C'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'en fait, on peut faire remonter aux alentours des années 1898-1904 l'irruption de l'histoire contemporaine aux archives nationales, notamment avec la figure de Pierre Caron, créateur, co-créateur de la Société de l'Histoire 48 en 1904, qui fait partie quand même des grands lieux, et aussi avec la figure de Georges Bourgeoin, auteur dès 1907 d'une histoire de la Commune fondée sur des archives, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas d'histoire de la Commune antérieure, bien entendu, mais enfin, la somme de Bourgeoin a fait date. Bon, donc la naissance en différé, et j'essaierai de dans les années 1947-50, en fait, s'appuie sur une difficulté énorme qui est la relation entre les archives nationales, pour le dire très vite, et les ministères. Et je vais tout simplement, en une dizaine de minutes, 15 de minutes peut-être, essayer de vous donner quelques éléments de compréhension de cette relation plus que difficile, plus que douloureuse, et dont la, si j'ose dire, dont le poids physique est d'autant plus fort que les archives nationales, depuis 60 ans, sont placées sous la tutelle du plus petit des ministères, ce qui est de moins légitime du point de vue des pouvoirs régaliens traditionnels de la tradition administrative française, le ministère de la Culture, ce qui ne leur donne pas, évidemment, une position de force. Mais cette relation n'est pas seulement une question de tutelle administrative, elle est aussi une relation structurelle de culture administrative de la France, qui, et je le dirai en un mot, paradoxalement, n'est pas un pays centralisé au centre. C'est-à-dire que la France est un pays centralisé dans l'espace, mais le centre n'est pas centralisé. Et ça, évidemment, on le sait tous quand on a fait un peu d'histoire de l'État, mais quand on l'applique aux archives, c'est extrêmement manifeste. D'ailleurs, le dernier rapport de la Cour des comptes sur les archives nationales le prouve, puisqu'il indique que seuls 40% environ de l'État central verse aux archives nationales. Donc, les archives nationales, non seulement n'ont jamais été récipiendaires de la totalité, je ne parle pas quantitative, de la totalité qualitative des archives de l'État central, mais même, encore aujourd'hui, on est en dessous de la barre des 50%. Ce qui est pour cause, vous le savez tous, du fait de l'irrédentisme des affaires étrangères, de la défense, et plus encore peut-être des ministères de l'économie et des finances, je dis plus encore parce qu'il est plus dissimulé, moins connu, et tout aussi puissant, d'autant que le ministère de l'économie et des finances, dans son patrimoine archivistique, a connaissance, plutôt a matière à connaître, de tous les autres ministères par définition. Et je ne parle pas, bien entendu, des grands établissements, des grandes institutions, de l'ordonnance de 58 qui garantit l'autonomie totale des archives des assemblées, ce qui fait que le Sénat n'a pas versé un centimètre d'archives depuis 1852, sauf la copie des procès-verbaux, vous m'accorderez que peu d'historiens s'intéressent à ce genre de choses. Voilà un exemple parmi des milliers. Qui montre la difficulté à se placer au centre. Et pourtant, si on ne peut pas parler de centre administratif, on doit parler d'un centre au moins symbolique, particulièrement bien défini par Charles Brébant en 1949, cette idée que les archives nationales sont à la fois l'arsenal de l'administration et le grenier de l'histoire. Belle idée, plus romantique que réelle, mais qui désigne tout de même une spécificité française, puisqu'en effet, rares sont les institutions d'archives nationales en Europe, notamment, qui, à ce point-là, ont la prétention de tenir les deux bouts de la chaîne. Et quand, en incluant ce que je viens de dire auparavant, on voit que c'est une gageure de plus. Et en effet, c'est assez vertueux par certains aspects, puisque ça a permis à ce que des archives très contemporaines, je pense aux archives du BCRA, soient sinon accessibles, mais une partie des archives du BCRA, celles qui n'ont pas soit en fait, dès 1948, sauvegardées, sinon ouvertes, à côté du trésor des chartes. Mais ce serait valable, cette même idée, avec la pratique du protocole depuis 1981, qui place comme des joyaux enchâssés dans des fonds beaucoup plus anciens, des archives ultra contemporaines. Donc ce jeu, ce chaud et froid, ce consommé très particulier de la mémoire administrative qui met côte à côte, et des gens comme Jean-Favier ont fait moult métaphores, hein, les archives nationales de Dagobert à François Mitterrand, on garde encore en mémoire ce beau raccourci. Derrière cette métaphore, il y a non seulement une spécificité, mais surtout, presque je dirais, un paradoxe surtout, dans la mesure où, en fait, il y a une distance très forte entre l'administration et l'histoire, mais qu'une partie de la fonction des archives nationales vise peut-être tout simplement à la masquer, hein, ou en tout cas à faire croire que cette distance n'est pas si forte. On pourrait évidemment continuer à gloser. Une fois de plus, je vous ai promis un bref parcours historique, je suis déjà trop long, on pourrait dire en résumé que le paradoxe, c'est que la France a en effet précocement créé ce lien entre administration centrale et dépôts des archives historiques dès la Révolution française, mais l'a abandonné dès l'Empire. Et c'est ça qui est le cœur du refoulé, puisqu'il a fallu un siècle pour reconstruire ce lien. On peut considérer que pendant le XIXe siècle, à quelques exceptions près liées à certaines archives, à quelques accidents près comme la Révolution de 48, toutes les révolutions, toutes les chutes de régime sont bénéfiques pour les archives, presque aucune archive contemporaine ne rentre directement aux archives nationales, sauf des exceptions ou des mises à l'abri. Je pense à une partie des archives de la préfecture pendant le Second Empire, des choses comme ça, mais à chaque fois, ce sont des exceptions. Et il faut attendre un décret fondateur, mais souvent oublié, de 1898, pour voir enfin le principe appliqué, énoncé, du versement régulier des archives contemporaines aux archives nationales, sinon absent de protection. Je vais y revenir en montrant ce bref décret dont je vous donne la date quasi sacrée, 12 janvier, c'est-à-dire le lendemain de l'acquittement d'Escarabi et la grève du Jacques Lozère. Hasard magnifique de l'histoire contemporaine, puisque le décret n'a été publié que le 25 janvier. Mais il est daté dans cet entre-deux de l'affaire Dreyfus, qui est par-dessus tout une question d'archives et de secret. Pas, mais sur les archives de la Défense. Mais ça, à l'époque, on ne pensait pas forcément les choses en ces termes, mais vous savez que l'affaire Dreyfus a été aussi une guerre diplomatique au sens de l'Ancien Régime, Bella Diplomatica, où les chartistes se sont particulièrement illustrés, c'est bien connu depuis les travaux de Bertrand Jouy. Bref, donc, ce lien s'est reconstitué très lentement, mais surtout à partir de 1898, il a mis près d'un siècle, ou en tout cas 50 ans, à s'appliquer, à connaître une application, puisqu'il faut avoir et attendre les années 50, en fait, de la création de cette sous-section contemporaine, pour voir des moyens mis en œuvre sérieusement pour rendre applicable ce principe. Ce qui ne veut pas dire que dans l'intervalle, il n'y ait pas de nombreux versements, que j'appellerais plutôt des débarrassements de locaux ministériels qui ont enrichi les archives nationales, mais il n'y a pas en tout cas de système panoramique permanent qui permettrait de savoir ce qu'il y a à archiver, ce qu'il faut garder en théorie. Donc, voilà l'équation temporelle, et évidemment, vous comprenez qu'à partir de là, le produit de tout ceci est assez, pour ainsi dire, tarabiscoté, par définition, et assez peu représentatif, et qu'une partie d'ailleurs de la fonction des archives nationales, à travers les divers cadres de classement, a consisté à masquer, là aussi, ou à, disons, comme un thalassoprocteur, à gommer les aspérités, les béances du corps administratif de la mémoire de l'État. Donc là, ça c'est une évidence, mais qui commande des études qui restent pour la majeure partie à faire pour l'histoire des fonds contemporains, c'est-à-dire une véritable histoire de la conservation. Et on peut considérer que pour certaines périodes, pour la Troisième République, pour certains ministères, le taux de conservation, sans doute, est inférieur à 10%. Très largement. Même si il faudrait des heures et des milliers d'heures d'études pour essayer de reconstituer la masse perdue par rapport à la masse effectivement conservée. Ce serait une très belle enquête que je, dans un fantasme d'une vie qui durerait, je ne sais pas, 500 ans, j'aimerais mener. Je pense qu'elle serait utile à tous les historiens de la France contemporaine et au-delà, bien entendu. Donc, effectivement, comment ce tampon entre la société civile, historienne, qu'elle existe, ou que les historiens ont un rôle particulier dans la société civile, et cet état central, qui est fondé par définition sur le secret de ces procédures, comment ce tampon, donc, s'est un petit peu inventé, fabriqué, en sachant que le paradoxe, c'est qu'il n'a cessé à la fois de vouloir se rapprocher et de s'éloigner du centre topographique de l'administration. Je vous le résume, vous le savez, les archives nationales ont été créées en 1790 sous la tutelle de l'Assemblée nationale. On a longtemps dit que c'était même le service d'archives de l'Assemblée nationale, mais ce n'est pas tout à fait le cas, c'est un service à part, les archives de la Questure et du secrétaire général. Ça n'a duré que 10 ans, puisqu'en 1800, elles passent sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, qui d'ailleurs est le cas de la plupart des pays d'Europe au XIXe siècle, mais avec cette tentation monarchique française qui bégaye quand même jusque tard au XIXe siècle, on va avoir des services d'archives parallèles de la couronne, de la maison du roi, de la secrétaire d'État ou du ministère d'État. Et pour finir, les archives nationales quittent le ministère de l'Intérieur en 1855, ce qui est en apparence un soulagement, puisque ça les loigne d'une forme, disons en tout cas, de non-scientificité. D'ailleurs, ça correspond au moment où les archives nationales créent une salle de lecture, deviennent une institution scientifique, ce qu'elles n'étaient pas véritablement au départ. Donc il y a une grande cohérence chronologique. Et pendant le Second Empire, elles vont être dans, si j'ose dire, dans la main de l'empereur, c'est-à-dire au ministère de la Maison du Roi, hein, pour simplifier. Et au ministère d'État pendant quelques années, mais qui est tenu par le bâtard de Napoléon, Alexandre Walewski, donc qui est un ministère génial, qu'on adore, enfin moi personnellement, très intéressant, et, mais qui, par définition, aujourd'hui il en reste quelques bribes dans la série 70, mais bon, bref. Et puis en 71-72, au moment où la prise de conscience de la fragilité des archives contemporaines se manifeste, et je suis obligé de le dire grâce à la Commune, qui fait perdre d'un coup des pans entiers de la mémoire contemporaine administrative, on parle toujours de l'état civil parisien, mais il ne faut pas oublier toute la Cour des comptes et le Conseil d'État qui ont disparu intégralement. Le palais d'Orsay, par le brûlement du palais d'Orsay, on oublie toujours le palais d'Orsay. C'est vraiment le lieu maudit par excellence. Et je ne parle pas évidemment d'autres fonds, et surtout des archives contenues dans le palais des Tuileries. Et là, je veux cette petite précision qui fait que les archives du 19e, du coup, sont extrêmement pauvres, puisqu'on avait créé une commission en septembre 70 pour examiner tous les papiers des ministères, comme on l'avait fait du reste en 48-49. Et donc, on avait commencé à rassembler aux Tuileries tous les papiers des cabinets des ministères du Second Empire. Parfait. Donc, non seulement quand les Tuileries ont brûlé, toutes les archives de la maison de l'Empereur ont brûlé, mais aussi une grosse partie des archives de tous les ministères du Second Empire. Ce qui fait quand même, du coup, une addition qui commence à être un peu salée. Donc, en effet, après le passage sous la tutelle du ministère de l'Instruction publique, le renforcement des liens avec l'histoire en construction se fait. Et on peut dire que ce décret de 1898 est le produit, on va dire, de cet effort qui vise à construire une véritable politique d'archives, politique qui est aussi une réunification, une unification entre les archives nationales et les archives départementales. Parce que là aussi, ça fait partie des grandes, si j'ose dire, des grands refoulés de l'histoire. La France, au XXe siècle, a beaucoup communiqué sur son formidable service d'archives national, départemental, parfaitement articulé. Et c'est vrai que je pense que si la France archivistique est désirée à travers le monde, c'est pour les archives nationales, départementales, mais surtout pas pour les archives nationales. Et en fait, cette articulation est très récente. Elle date précisément de 1897. Pourquoi ? Parce qu'en 1855, et on l'oublie là aussi, les archives départementales sont restées au ministère de l'Intérieur. Hein, vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'en 1955, les AL quittaient le domaine régalien de l'intérieur, eh bien, les AD y restent. Ça va être vertueux pour elles, puisqu'elles vont pouvoir mettre en place, dans le cadre des préfectures, l'extraordinaire richesse documentaire, qui va d'ailleurs peser terriblement sur l'historiographie contemporaine, à commencer par le groupe de la monographie, magnifiquement servi par la richesse des dépôts d'archives départementales, notamment pour l'historiographie de la Révolution française, mais pas seulement. Se met en place tout au cours du XIXe siècle, hein, vraiment une archivistique à deux vitesses, voire même à deux têtes, avec un dépôt central qui a des rapports très compliqués avec son propre centre étatique, et au contraire, des dépôts départementaux qui, eux, sont branchés directement sur les administrations locales et vont enrichir de manière très régulière des séries vraiment continues. Donc, c'est une évidence, mais je préfère le rappeler, c'est qu'en fait, l'État en France, évidemment, là où on peut l'observer dans sa parfaite centralisation, c'est au niveau local. Donc, et il a fallu attendre que les archives départementales quittent le ministère de l'Intérieur en 84, et que le directeur du service des archives départementales, Xavier Charme, qui était aussi directeur d'enseignement supérieur, qui est très important pour l'histoire de M. Tachet, je passe, pas à la retraite, parce qu'évidemment, il ne voulait pas être mis sous la tutelle d'un autre, ça c'est mon classique, donc 1897, pour qu'on crée une direction générale des archives. Donc, au fond, on a perdu un siècle, en quelque sorte, dans cette histoire, si on veut se placer d'un point de vue strictement conquérant de la conquête des archives. Et en fait, en 1898, en effet, on peut dire que les principes, des principes sont établis. Mais, j'avais prévu de vous montrer quelques documents pour illustrer cela, mais je vois que le temps est trop court. Simplement, je voulais vous rappeler que l'acte fondateur de 1790 pose un principe qui, lui, est tout à fait à l'inverse de tout le cheminement conquérant que je viens de vous donner, c'est que les archives nationales, au départ, sont bien entendu absolument pas faites pour recueillir les papiers des ministères. Elles ne sont faites que pour être le dépôt de tous les actes qui établissent la constitution du royaume, son droit public, ses lois et sa distribution en départements. Elles sont donc conçues comme un chartrier de titres législatifs à distance de tout usage historiographique. Et ça, c'est la volonté d'un homme, Armand Castan Camus, juriste, qui fait tout pour que les fonds centralisés de l'Ancien Régime ne soient pas conservés dans un premier temps à côté des archives de l'Assemblée, pour des raisons politiques un peu plus évidentes. Il va ensuite revenir sur cette décision grâce à l'énorme triage des domaines nationaux, mais là c'est toute une autre histoire, et au moment où il va essayer de tenter la centralisation des fonds d'Ancien Régime et des fonds révolutionnaires, Napoléon surgit, si j'ose dire, et se crée son propre archive secrète et gouvernementale, c'est bien célèbre, les archives impériales du Louvre en 1800-1801, qui, à partir du consulat, vont survivre jusqu'en 1848 comme service central de la mémoire de l'État. Donc déjà, une volonté précoce de tenter un lien entre l'administration et l'histoire, et en même temps, une rupture essentielle et presque immédiate. Donc, le fait que les archives nationales se soient rabattues en quelque sorte sur les fonds d'Ancien Régime n'était pas prévu au départ, et elles se sont, non pas enfermées dans cet Ancien Régime, mais disons, elles ont pris toute leur force et toute leur légitimité dans ce travail sur les fonds de l'Ancien Régime, d'autant qu'une autre loi, la fameuse loi du 7 mai 1642, disait que les dépôts d'archives pour l'histoire devaient aller dans les bibliothèques nationales, c'est-à-dire dans toutes les bibliothèques municipales telles qu'elles avaient été créées. Donc les archives étaient vraiment très mal parties, puisqu'il leur manquait un mode de fonds, une organisation, et évidemment, je dirais même une légitimité. Je vous montre juste, pour rappel, la traduction de tout ça, c'est le cadre de classement de Donneau en 1811, qui, comme vous le savez, a été la table de la loi des archives nationales, jusque dans les années 1970, et qui est, en fait, la réponse à cet échec, à ce blocage. Une façon de dresser une table systématique, c'est un tableau systématique, qui donne l'impression que tout l'État y est, en quelque sorte, sauf évidemment, il ne peut pas masquer le fait que les ministères ne sont pas pour lui une source possible, et c'est bien la raison pour laquelle il ne donne qu'une lettre au ministère, d'où la raison bien célèbre ensuite de la dérivation algébrique jusqu'au numéro 90 des numéros ministères. D'ailleurs, la preuve est qu'on est qu'encore en 1856, je vous cite l'article archive du dictionnaire de Maurice Bloch, de l'administration française, je vais à lire dès que possible, c'est un bonheur. Après avoir bien entendu rappelé que les archives sont avant tout des documents historiques, vous voyez, collection d'anciens titres, chaque pièce et documents divers recueillis et conservés, soit dans un intérêt privé public, soit dans un intérêt purement historique. Il nous dit à la fin, autre dépôt d'archives, indépendant des divers dépôts dont nous venons de parler, les grands corps de l'État, les ministères à Paris, possèdent des archives courantes, dont quelques-unes offrent un grand intérêt. Nous citerons comme les plus importantes par le nombre et la valeur historique des pièces, celles de la Cour, du Sénat, du Corps législatif, de tous les ministères, de la guerre, de la marine, des affaires étrangères, de la police, de l'intérieur, la Cour des comptes, le Conseil d'État. Ces archives sont exclusivement consacrées aux besoins de l'administration. Le public ne peut les consulter qu'en vertu d'autorisation spéciale. On a là, en fait, l'évidence, partout d'ailleurs en Europe, simplement la France va tenter, en quelque sorte, de masquer cette séparation originelle et que des versements ponctuels ne font que peu, masquer. Au passage, évidemment, je l'ai déjà dit, mais il faut bien entendu penser qu'à chaque fois qu'il y a une rupture de régime, il y a des enregistrements, des enrichissements qui vont contribuer à masquer cette absence des archives contemporaines. Je l'ai déjà dit, c'est le cas en 48 de la secrétaire d'État qui fait rentrer les archives du comité de salut public, etc. Très tardivement, on ne peut pas l'admettre, et qui donne l'impression qu'il y a justement cette fameuse coexistence entre l'arsenal de l'administration et les greniers de l'histoire, et qui permet à chaque fois cet irrédentisme permanent, et dont, au milieu du XIXe siècle, les affaires étrangères et la défense sont déjà très solidement installées et n'évoquent même pas aucune possibilité de partage de leur mémoire administrative. Donc, si justement on regarde ce décret de 1898 que je vous ai promis, vous m'excuserez pour je vais faire un affichage. Comment on fait ? Mode plein écran, pardon, je vois rien. Voilà. Décret du 12 janvier 1998, portant règlement sur le versement de la conservation aux archives nationales des papiers provenant des ministères de la justice, des cultes, de l'instruction publique, des beaux-arts, de l'intérieur, des finances. Vous voyez déjà qu'en fait la liste n'est pas exhaustive. Et puis par ailleurs, c'est un décret, et c'est ce qui va être sa principale faiblesse, du ministère de l'instruction publique. Donc le ministère de l'instruction publique décide que les autres ministères vont verser. Belle déclaration d'intention. Ce qui est très important, c'est que c'est là que surgit, et c'est, je vais terminer assez vite, je vous promets, la notion de délai de communicabilité. Je vous regarde avec les yeux dans les yeux. Cette notion qui a été chargée d'incarner la frontière entre le passé et le présent de manière totalement artificielle et juridique, ou juridique et peut-être artificielle, etc. Surgit dans ce décret, en effet, outre le fait qu'il n'y a aucun principe de versement sinon d'inutilité, les dossiers reconnus inutiles, reste à savoir comment on définit l'utilité et l'inutilité, et surtout comment on la reconnaît, c'est une science alchimique qui est celle de la sélection des archives publiques. Bon, avec même une saison, vous voyez, c'est le déménagement de printemps, on fait ça à la fin du premier semestre, comme dans les appartements bourgeois, les ministères et administrations remettront aux archives les dossiers régulièrement constitués, etc. Les ministères auront un fonds, etc. Tous les dossiers registres devront être remis à ces ministères. OK. On a le principe de la communication administrative qui se met en place. Là aussi, fantôme décisif, c'est-à-dire que la plupart des ministères n'acceptent de verser encore aujourd'hui qu'au prix de la servitude de la communication administrative, c'est-à-dire d'une communication immédiate et rapide de tous les documents qu'ils jugeraient nécessaires, et ça fait partie des choses dont l'administration des AN, non pas qu'elle n'en parle pas, mais elle le sous-estime en permanence, alors que c'est une véritable servitude, surtout que la plupart, souvent, les documents ne viennent pas, ou mieux encore, les historiens bien en cours s'adressent directement à un membre de cabinet qui, en fait, sous une communication administrative, déguise une communication détournée. Ça, je peux vous en donner des exemples dans l'histoire très nombreuses. Vous êtes un membre d'un cabinet, vous avez un pote historien. Hop ! Pas mal, non ? Non, je vous le dis, si vous ne l'avez jamais fait, allez-y, n'hésitez pas. Vous n'avez même pas besoin d'aller jusqu'au cabinet, vous pouvez prendre n'importe quelle direction d'administration centrale. Voilà. Donc, c'est le moment de refaire son carnet d'adresse. Et donc, c'est vrai, quand ce n'est pas des comités d'histoire de ministère qui officiellement font. Donc, le détournement est parfait. Bref, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse là, c'est les 50 ans. Les documents ayant moins de 50 ans de date ne seront communiqués que sur l'autorisation des ministères. Et là surgit ce terme de 50 ans en 98. Comme ça. Alors, pas tout à fait comme ça. Parce qu'un une vieille lettre de Napoléon en 1810 avait dit que 50 ans, c'est une bonne date. Pourquoi ? Parce que ça permettait de recouvrir la Révolution, bien entendu. Il avait dit, les documents antérieurs au règne de Louis XVI seront librement, c'était pas le mot dans la lettre, librement communicable. Et donc, ce demi-siècle est venu s'installer comme une pure tradition coutumière. Mais en 98, il est pratique. Parce que 98 moins 50, ça fait quoi ? Eh bien, ça fait 48. Pas mal, non ? Du coup, au moment du texte du décret, la mémoire et les conflits autour de la Seconde République sont encore dans le domaine de l'arsenal de l'administration et pas dans le grenier de l'histoire. Évidemment, le temps passe et se déplace. Et vous le savez, je ne vais pas en faire ici l'histoire, la réduction du délai va atteindre 30 ans en 1970, mais là aussi, 1970, ce qui va d'ailleurs provoquer la sécession définitive du ministère des Finances, qui l'année d'après prend un décret en disant que le secret fiscal ne peut pas supporter 30 ans de délai. Et donc, c'est en 71 que le ministère des Finances a créé le service autonome qui donne lieu aujourd'hui à ce grand service de Savigny-le-Temple. Mais 70, c'est merveilleux, là aussi. 70 moins 30, 1940. Pas mal. Hein ? Marrant comme parfois les comptes tombent ronds. Et on va garder cette limite de 1940 qui va rester. Non, on ne va pas faire la l'histoire, mais qui va rester quand même comme date symbolique pour finir les inventaires, pour finir les classements, etc. etc. Bon, etc., etc. Bref, donc maintenant, ils sont terminés par là. Comment, au cours du XXe siècle, rapidement, a pu quand même s'établir des moyens d'application de ces principes très, très, très contraignants. Vous le savez, dès 1904, ou non, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a un article de Vincent Duclerc dans la revue Histoire et Archives sur ce sujet, une loi posée d'ailleurs par Jaurès et Millerand à l'époque, un projet de loi visant à justement donner des moyens à l'institution des archives, projet de loi qui n'a pas du tout, aurait énoncé pour la première fois cette idée qu'il faut des archivistes dans les ministères pour rabattre les archives. Et en fait, on ne rentre pas dans les détails, mais ce principe est réénoncé en 1936 avec Jean Zay, et le décret-loi d'Albert Lebrun, c'est la première fois d'ailleurs qu'il y a un décret-loi pour les archives en France, et finalement ne sera mis en application par Charles Raymond dans les années 50 avec la restauration des missions dans les ministères. Bref, donc, finalement, ce n'est que dans les années 50 que les archives nationales sont sont investies de la possibilité de mettre en application une centralisation administrative. Et pour ce faire, un inspecteur qui s'appelle Guy Dubos, en 1958, avec Robert-Henri Bautier, conçoit une cité interministérielle des archives dès 1958. Il dit, voilà, il ne suffit pas d'avoir des personnes dans les ministères, il leur faut aussi des locaux. Donc on va essayer de trouver un endroit pour sélectionner les archives et mutualiser la sélection. Et dans le quatrième plan, je crois, un budget d'un million de francs et demi à l'époque est voté, enfin, est octroyé plutôt, c'est pas voté, pour ce projet. Mais arrive la loi cadre de 1960 et il faut rapatrier les archives coloniales. Paf ! Le million va servir à créer le dépôt d'Aix-en-Provence et retarder ce projet. Et puis le temps passe et finalement le projet arrive à récipiscence au milieu des années 60. L'OTAN chute par hasard, enfin, plutôt la France quitte l'OTAN, et les AL, n'ayant plus aucun moyen, plus du tout ce budget d'un million, récupèrent le terrain de Fontainebleau. Vous connaissez cette histoire. 9 hectares, où il devait y avoir une capacité de 1000 km, ça a été le grand projet industriel des archives, mais surtout, une tutelle interministérielle, et pas du tout une tutelle archive nationale. A tel effet d'ailleurs, tout le personnel de Fontainebleau est recruté peu à peu dans les années 70, de la préfecture de Seine-et-Marne. Puisque c'est un service interministériel. Et il n'est pas même personnel de culture. Et c'est un inspecteur général qui, en attendant que se mette en place l'organisme interministériel, va prendre en charge, etc., etc. Je ne rentre pas dans les détails, mais vous voyez comment le projet de Fontainebleau a mis non seulement du temps, qui était, si j'ose dire, l'outil indispensable pour pouvoir commencer à mettre en place ces principes. Il ne suffit pas qu'il y ait des gens dans les ministères, il faut qu'ils aient des kilomètres pour les déposer. Bref, ce projet donc a, si j'ose dire, bancal dès le départ, et surtout en 1983, le centre va être rattaché aux archives nationales qui vont ensuite, évidemment, hériter d'une fonction qu'elles ont imaginée, mais qu'elles ne devaient pas avoir en charge, puisque ça devait être une mutualisation des services d'archives de tous les ministères. Je vais m'arrêter là, puisque je vois que les membres regardaient avec des gros yeux, mais vous voyez que si on poursuit un tout petit peu le problème, vous voyez que quand je dis le verre est dans le fruit, plutôt le problème est initial dans Fontainebleau. Je vous passe évidemment l'effet, là aussi, de masse que la loi de 79 a produit, alors, avec à la fois l'énonciation des mêmes principes, même, je dirais, magnifier toutes les archives, sont archives dès leur création, hein, c'est comme le Coran, hein, les archives sont historiques, elles sont incréées comme le Coran, elles sont archives avant même d'être écrites, bon, ça c'est l'article 1 de la loi de 79, qui pour moi est une folie, parce que c'est la folie dans laquelle nous sommes tous rentrés, c'est-à-dire qu'elle fait oublier le travail de sélection, ou plutôt la masse monstrueuse, qui fait que de toute façon, même si on contrôlait cette masse, on détruirait de toute façon massivement, et on détruit massivement. Bien entendu, cette sélection, et j'en termine par là, a été assumée pendant toute cette période par les archivistes en mission, mais il se trouve que ces archivistes en mission ont quitté les archives nationales en plus en 2008. Elles ne sont plus, après avoir été rattachées aux archives nationales, elles ne sont plus aux archives nationales. Donc, vous voyez comment, en fait, derrière l'apparente unité, l'apparente centralisation, il y a un héritage historique extrêmement hétéroclite, et pour finir, en effet, un projet, on va dire que j'ai qualifié presque de rattrapage dans les années 90-2000, après la grande crise de 94-95, hein, crise sur laquelle je ne reviendrai pas, mais qui est la crise de la transparence, on va l'appeler, hein, la crise de tous ces malentendus, avec en plus ce choix de créer une salle de lecture à Fontainebleau, choix, alors là, à mon avis, totalement contre-productif, puisque Fontainebleau n'avait jamais été prévu pour accueillir du public dans cette configuration interministérielle administrative, et on crée une salle de lecture en 95 qui va, si j'ose dire, presque renforcer le problème, puisque tous les usagers vont tout d'un coup se retrouver, comme vous tous, et à l'époque, donc au milieu de la, voilà, au milieu de la Grande Rousse. Et voilà. Et donc, j'en termine en disant qu'en effet, reste à faire maintenant l'histoire des critères de sélection, je ne la ferai pas ici, mais il faut bien vous imaginer que si vous avez déjà ce schéma en tête, vous voyez bien qu'il n'y a pas beaucoup de place pour une, et Bruno Delma, je pense, ne me contredira pas, dans l'histoire de ces rapports compliqués avec l'administration, pour une vision raisonnée, sinon raisonnable, de la sélection et du dialogue avec les usagers. Voilà. Merci beaucoup, cher Yann. Ce tour d'horizon, c'est complet. Peut-être un peu trop.